Ce lundi, on amorce la dernière semaine de la version quotidienne d'Assemblage Requis. On reçoit Maxime Lemieux-Laramé avec sa chronique sur les nouveautés musicales. Télécharge quoi? On a aussi engagé des jongleurs, des cracheurs de feu et des danseuses brésiliennes. Mais vu qu'on est à la radio, vous les verrez pas. Ne manquez pas la semaine foraine d'Assemblage Requis, dès lundi, 15h.